Chapitre 71. L'humilité et la bienveillance envers les croyants. Allah Ta'ala dit: et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Sourate 26, verset 215. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Sourate 5, verset 54. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate 49, verset 13. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Sourate 53, verset 32. Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflé. Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis. Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Sourate 7, verset 48-49. 602. D'après Iyad ibn Himar, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah m'a révélé que vous devez être humbles les uns envers les autres, de sorte que personne ne méprise un autre ou ne soit injuste envers lui. Muslim. 603. Selon Abu Hurayra, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: donner l'aumône n'a jamais diminué les biens du donateur. Et Allah ne fait qu'augmenter l'honneur de celui qui pardonne aux autres. Et personne ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'il l'élève en degré. Muslim. 604. Anas radiallahu anhu rapporte qu'il passa un jour devant des enfants qu'il salua en leur disant « Assalamu alaykum » avant d'ajouter « Le prophète alayhi salatu wassalam agissait ainsi. » Al-Bukhari et Muslim. 605. D'après Anas radiallahu anhu, il arrivait à l'une des jeunes esclaves de Médine de prendre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam par la main et de l'emmener là où elle le voulait. Al-Bukhari. 606. Selon Al-Aswad ibn Yazid, Aisha radiallahu anha fut interrogée sur les occupations du prophète alayhi salatu wassalam chez lui. Il était au service de sa famille, et quand venait l'heure de la prière, il se rendait à la mosquée, répondit-elle. Al-Bukhari. 607. Abu Rifa'a, Tamim ibn Usaid, radiallahu anhu, rapporte: je me suis rendu auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors qu'il prononçait un prêche, une khutba, et lui dit: ô messager d'Allah, je suis un étranger, venu se renseigner sur sa religion qu'il ne connaît pas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interrompit son prêche et se tourna vers moi. Une chaise lui fut apportée sur laquelle il s'assit, puis il se mit à m'enseigner ce qu'Allah lui avait appris. Il reprit ensuite son prêche qu'il termina. Muslim. 608. D'après Anas radiallahu anhu, quand le messager d'Allah alayhi salatu wassalam finissait de manger, il léchait ses trois doigts, le majeur, l'index, puis le pouce, puis disait: lorsqu'une bouchée tombe, nettoyez-la et mangez-la, et ne la laissez surtout pas à Satan. Il ordonnait également de racler le plat en disant: vous ne savez pas dans quelle partie de votre repas se trouve la bénédiction. Muslim. 609. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tous les prophètes envoyés par Allah ont été gardiens de moutons. Ses compagnons lui dirent: et toi? Il répondit alayhi salatu wassalam: moi aussi, j'ai gardé les moutons pour les Mekwa contre quelques pièces de monnaie. Al-Bukhari. 610. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si j'étais invité à manger des pieds, de moutons ou de veaux, ou si on me les offrait, j'accepterai. Al-Bukhari. 611. Anas, radiallahu anhu, rapporte que la chamelle du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, appelée Al-Adba, était imbattable à la course. Un bédouin monté sur un jeune chameau la devança, ce qui attrista les musulmans. Le remarquant, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Allah s'est fait un devoir de rabaisser tout ce qui dans ce bas monde s'est élevé. » Al-Bukhari.